tout de suite sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier. LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, dans une chaise longue, à la pêche à pied, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Parcours de réfugiés, une série de Raphaël Kraft réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a des destins qui basculent et des vies qui deviennent folles. Il y a des gens, comme tout le monde, que l'adversité a jetés sur la route et cette certitude que ces choses arriveront toujours. Et enfin, cette vérité à marteler que si l'on est prêt à courir tous les risques, c'est que ce que l'on fuit est infernal. Alors pour commencer, les personnages. Des naufragés sous le choc, des sauveteurs organisés, des enfants qui pleurent, un joueur de guitare, un équipage international, des bébés épuisés, des médecins et des gardes-côtes. Ensuite le décor. Des zodiacs surchargés, des bateaux qui prennent l'eau, la houle sur la mer, des appels radio, des vapeurs d'essence, la panique et la soif qui rendent fous, la terreur, les prisons libyennes et pas de gilet de sauvetage. Aujourd'hui, premier épisode... au large des côtes italiennes. Ça va? Ouais. Are you okay? Yeah. Ça va? Ça va bien, ça va bien. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes tellement ravis d'être là. Tellement fiers. Car vous nous avez sauvé la vie. On a trop souffert à route, Bon, nous sommes tellement fiers. Après, Dieu, c'est vous actuellement. Le même nom, non ? Je ne sais pas quoi dire, mais les mots me manquent, Dieu. Nous sommes tellement contents. C'est très important, si vous avez des affaires personnelles avec vous, argent, passeport, quoi que ce soit, enlevez-les, gardez-les avant de mettre vos nouveaux habits, parce qu'après le reste, ça va à la poubelle, ok? Ouais. C'est très important quand on arrive là-bas, tout le monde reste assis, ok? On va vous appeler un par un, et dès qu'on vous appelle, vous pouvez monter, d'accord? Allez, merci. À bord de l'Aquarius, au large des côtes libyennes, Raphaël Kraft, Guillaume Baldi. Mardi 12 septembre 2017, 6h30 du matin, Madeleine, sur la passerelle. Où se trouve-t-on maintenant, après 48 heures de mer à traverser la Méditerranée ? On se trouve désormais à environ 50 miles de la côte libyenne et nous maintenons cette position en patrouillant. En général, on essaie de ne pas se tenir trop éloigné de la côte afin de maximiser les chances de pouvoir sauver le plus grand nombre de gens. Nous restons en dehors des eaux territoriales libyennes. La distance de la côte à laquelle nous patrouillons dépend de différents facteurs, qui incluent la proximité ou non d'autres navires, qu'ils soient militaires ou appartenant à des ONG, les conditions météo et la présence ou non de gardes-côtes libyens dans la zone. And whether there's Libyan Coast Guard present in the area. Les gardes-côtes libyens ont renforcé leur activité dans cette zone. Nous savons qu'ils ont été financés de façon importante par l'Union européenne. Ils possèdent désormais beaucoup plus de bateaux et sont beaucoup plus actifs. Ils sont de plus en plus impliqués dans ce qu'ils appellent des sauvetages et que nous appelons des retours en Libye. Selon les termes de la Convention de recherche et sauvetage, quand des personnes sont sauvées en mer, quiconque en charge du sauvetage se doit de ramener ces personnes dans un port sûr. Et la Libye n'est pas un endroit sûr. Les bateaux qui quittent la Libye ne peuvent le faire que pendant une période de temps calme. Ils sont particulièrement dépendants de la houle. Vous savez, ces dernières 36 heures, nous avons eu une mer particulièrement agitée, ce qui signifie qu'il demeure encore un peu de houle résiduelle, et cette houle vient du nord. Ce sont les pires conditions pour les gens qui veulent partir des plages de Libye, parce que les bateaux doivent être, pour ainsi dire, littéralement poussés à la mer. Et si vous avez déjà vu ces bateaux, tout particulièrement les bateaux pneumatiques, ils sont très fragiles et ne sont pas capables de passer la barre de vagues ou naviguer au milieu de la houle en pleine mer. Il est donc peu probable qu'il y ait des départs de la côte libyenne aujourd'hui. En revanche, les prévisions météo pour le reste de la semaine ont l'air très bonnes et on peut s'attendre à ce qu'il y ait alors des départs. Salut, mon nom est Max Avis. Je suis le coordinateur de l'équipe de sauvetage en mer sur l'Aquarius. C'est-à-dire que je suis présent sur les zones de naufrage pour diriger les sauvetages avec deux bateaux à ma disposition. Comment ça se passe un sauvetage ? En général, ça se passe comme ça. Le MRCC, le Centre de coordination du sauvetage en mer, basé à Rome, nous passe un coup de fil. Ils nous disent « Eh, il y a une embarcation pneumatique en détresse à telle position ». Nous, on se rend sur la position, on fait des observations depuis la passerelle pour voir si on peut établir un contact visuel avec notre cible. Une fois qu'on l'a localisé, on s'en approche. À une distance raisonnable de sécurité, à plusieurs centaines de mètres, on arrête le bateau et on met nos deux bateaux de sauvetage à l'eau. Et ensuite, advienne que pourra. Notre objectif est de ramener tout le monde en sécurité à bord du bateau. Donc on fait tout ce qui est en nos moyens pour y parvenir. Mais la vérité, c'est qu'on a affaire à des choses pas très gaies lors d'un sauvetage. Une fois qu'on arrive sur zone, je montre les gilets de sauvetage à tout le monde et je leur demande de d'abord les faire passer aux personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les enfants, mais également aux personnes les plus éloignées sur le bateau. Ça leur donne quelque chose à faire et le sentiment d'être impliqué dans le sauvetage. Soudain, ils se sentent utiles à quelque chose et ça atténue un peu leur panique. Et puis je ne m'arrête jamais de parler pour que les gens se taisent. Et ça leur permet de garder leur calme, parce qu'ils sont occupés à m'écouter. Et si ça se passe mal avec eux, alors on éloigne le bateau et on leur dit, les gars, si vous vous comportez comme ça, c'est notre limite. Si vous commencez à vous battre, on ne poursuit pas ce sauvetage. Parce que ça peut aller très vite quand on perd le contrôle de la situation. Parfois, on croit que tout va bien et quelques secondes plus tard, c'est le gros désordre. C'est pourquoi on est très ferme sur les limites à ne pas dépasser. Et je crois même que ça rassure les gens. Parce que ce sont des situations désespérées. Même si vous avez essayé de détendre l'ambiance en plaisantant et en rigolant, If it goes wrong, oui, quand ça commence à aller mal, tout va très vite. Way above capacity. You know, there's maybe 120 of them. D'autant qu'ils sont environ 120 et nous n'avons que deux bateaux. Que pouvons-nous vraiment faire? Enfin, on peut. On a déjà eu plus de 80 personnes à l'eau et nous les avons toutes sauvées. Mais c'est dangereux. Ensuite, je fais évacuer les femmes et les enfants ou alors les personnes très malades avant les femmes et les enfants. On les amène à bord de l'Aquarius et alors on s'occupe des hommes. C'est comme ça qu'on fait. Ces bateaux ne seraient pas sûrs pour deux personnes. Et nous faisons parfois le sauvetage de bateaux qui contiennent 725 personnes. On fait des bateaux pneumatiques de 195 personnes. On fait des bateaux pneumatiques en train de couler. On fait des sauvetages de 2000 personnes d'un coup, éparpillés dans des bateaux tout autour de nous. Et franchement, parfois, on est vraiment débordé. On fait de notre mieux et on est plutôt bon dans ce domaine. Mais nous savons que nous travaillons dans un environnement extrêmement délicat. À tout moment, la glace peut se briser. C'est-à-dire? Vous voulez dire quand ça tourne mal? Oui. Basically, people out here die because... Généralement, les gens meurent parce qu'ils se font écraser par les autres. Lorsque le bateau coule, les bidons d'essence commencent par se renverser. On parle de bidons de 300 litres. Et parce que le niveau d'eau dans l'embarcation augmente, les bidons se renversent et l'essence se mélange à l'eau salée. Et avec ce mélange, le premier effet, c'est que les gens commencent à devenir stone, parce qu'ils respirent les émanations de centaines de litres de fuel. Et donc les gens deviennent dingues. Et après la première heure, ça commence à gratter leur peau. Et après plusieurs heures, ça les brûle. Et après de plus longues heures encore, la peau de vos jambes commence à partir. La peau du dos, la peau des bras et tout votre corps qui est en contact avec ce mélange. Et en même temps, le fond du bateau se rompt. Il y a différentes façons, mais généralement, il se casse en deux sur la longueur. Et donc, les deux boudins latéraux se rapprochent alors qu'il y a déjà 10 personnes au mètre carré. Imaginez ce qui se passe lorsqu'ils se retrouvent compressés. Tout ça alors que les gens ont de l'eau jusqu'à la poitrine. Ça fait un poids considérable. Tout ça pendant des heures et des heures en baignant dans ce liquide toxique qui brûle la peau. C'est interminable. C'est alors que vous les trouvez. Et il y a des morts qui flottent entre leurs jambes. Les gens que l'on parvient à secourir ont des marques de morsures sur leurs jambes parce que les gens coincés au fond se battent pour éviter la noyade. Et c'est horrifiant. C'est... Et donc, que fait-on dans ces cas-là? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que ça ressemble à l'enfer, je crois. Oui. Et comme en plus ils sont stone, ils paniquent d'autant plus facilement. Et donc si vous ne savez pas maîtriser ce genre de situation, faire du contrôle de foule en quelque sorte, éviter que les gens paniquent, les options qui s'offrent à vous se réduisent considérablement. Et là, il faut changer de méthode. Vous qui m'avez vu agir personnellement, vous pouvez constater que c'est une forme de gestion de foule que l'on fait. Et alors, il vous faut changer d'approche. Quand ça se passe, quand je viens de vous le décrire, même les gants des médecins commencent à fondre. Ils sont obligés de tout le temps les changer. La salle de soins est tellement pleine d'émanations que même eux deviennent stone. Quand ils prennent quelqu'un par le bras, la peau reste dans leurs mains. C'est l'horreur. Jeudi 14 septembre, sur l'Aquarius, briefing de 8h15. Oh, it sucks. It's more of an afternoon thing. I didn't really know what to come up with, so... But Daniel is. Yeah, the disease is spreading. Ask him what he's doing. Ok, donc nous avons reçu une information ce matin. À environ 8h05, nous avons reçu un appel de Rome nous demandant de nous diriger vers une cible. Elle se trouve à 20 miles de distance et comme vous pouvez le voir ici, nous sommes là et voilà où se trouve la cible. Au moment où je vous parle, la cible se trouve approximativement à 12 miles de la côte libyenne. Les seules informations que nous avons à propos de ce bateau, c'est qu'il s'agit d'un bateau pneumatique gris avec une centaine de personnes à bord. Nous ignorons l'état du bateau, nous ne savons ni d'où il est parti, ni à quelle heure. C'est tout ce que nous savons. Il est à 20 miles de notre position et ça nous prendra environ 2 heures pour l'atteindre. Mais il est possible que nous les voyons après une heure de mer. Comment ça se passe quand les personnes commencent à quitter leur navire naufragé pour aller sur votre bateau? Parce que j'imagine que certains veulent y aller absolument, à tout prix. Oui, évidemment, tout le monde veut venir dans le bateau de sauvetage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut les inciter à participer en leur demandant de vous aider à distribuer les gilets de sauvetage. Et les inciter à penser à autre chose qu'à eux seuls. Transformer le « que puis-je faire pour moi » en « que puis-je faire pour nous tous ». Quand il s'agit de donner la priorité aux femmes, ils peuvent parfois se battre un peu. Par contre, en général, et même dans les situations les plus désespérées, les gens portent de la valeur à la vie d'un enfant. Un jour, je suis arrivé jusqu'à un bateau qui avait coulé pratiquement entièrement. Les gens avaient de l'eau jusqu'à la poitrine, au beau milieu de l'océan. Et ils chantaient tous ensemble. Ils adressaient leur dernière prière à Dieu. Ils faisaient la paix avec lui. Nous sommes arrivés, il y avait un bébé tout à l'avant du bateau. Quelqu'un le tenait en l'air au-dessus de la mêlée. Et lorsque nous l'avons attrapé, il y a eu une acclamation. Tout le monde a dit « Ouais !» C'était incroyable parce que ce bateau était vraiment dans de mauvaises conditions. Toutes ces histoires d'essence renversée au fond du bateau dont je vous parlais étaient en train de se produire. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les situations les plus tragiques, parfois les gens réagissent bien, comme s'ils prenaient conscience qu'il existe quelque chose de plus grand qu'eux. J'ai du mal à l'expliquer, mais si vous pouvez accompagner les choses dans ce sens, alors c'est plutôt une bonne chose. C'est ce qui s'est passé pendant ce sauvetage. La situation était très mauvaise, mais nous avons pu sauver tout le monde. C'est ça. Il y avait une forme d'unité face à un problème qui concernait tout le monde, parce que le bateau était en train de couler. We just received a call from Rome MRCC. We just received a call from Rome MRCC that the Libyan Coast Guard is assuming responsibility for this rescue. Rome asked on our behalf if we can assist with the rescue, and we've been denied the permission to participate in this rescue. Je suis Marcella et je suis la coordinatrice du projet de MSF, Médecins Sans Frontières, au bord de Aquarius. Marcella, on vient d'apprendre que les gardes-côtes libyens se chargeaient du sauvetage qui avait été assigné à l'Aquarius par le MRCC de Rome, c'est-à-dire le centre de coordination de sauvetage maritime situé à Rome. Qu'est-ce que ça signifie pour les personnes qui étaient sur ce bateau d'être sauvées, entre guillemets, par la marine libyenne? Alors, d'abord, il faut attendre si le Coast Guard de Libyen arrive sur la scène. C'est ça la première chose. C'est pour ça qu'en ce moment, nous sommes sur stand-by, parce que ça peut arriver que le bateau de Libyen n'arrive pas. Dans ce cas-là, on peut toujours, avec les instructions de MRCC, aller et faire le sauvetage. Si le garde-côte libyen arrive, ça veut dire que, au moins normalement, la vie de ces gens sera sauvée, parce que sûrement, s'ils restent sur la mer, c'est la mort. Ça, c'est une bonne chose. Malheureusement, ça veut dire aussi que ces gens-là vont être réamenés en Libye. Et on sait très bien que la situation en Libye, pour ces gens-là, c'est horrible. Il y a beaucoup de violence, il y a la torture, il y a le travail sans être payé. Alors, l'esclavage. On peut dire ça, oui. Alors pour ça, c'est toujours un peu mélangé notre sentiment quand on a appris que c'est le garde-côte libyen qui va sauver les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont vraiment s'occuper. Parce qu'il y avait quelques instances que, même s'ils ont dit on arrive, il y a personne qui est arrivé et c'est finalement un autre bateau qui a fait le sauvetage. Alors si jamais il y a une situation qui est plus pire, que le bateau par exemple commence à être vraiment en plus grande détresse que maintenant, on peut assez vite arriver sur le point. Basile, citoyen helvète. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là, Basile? Qu'est-ce que vous voyez dans vos journaux là? Alors, on arrive à voir un bateau qui a l'air bien rempli, bien chargé. 200, disait la patronne. D'après les informations d'un hélicoptère de la marine italienne, environ 200 personnes, ouais, ce qui est beaucoup pour un bateau pneumatique. La situation sur le bateau, depuis là, on est à l'heure plus ou moins stable, mais c'est une situation quand même assez inquiétante. C'est juste très inquiétant parce que ces personnes fuient la Libye et quand ils voient les gardes-côtes libyens arriver, il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer. Donc par mesure de sécurité, on vous demande de rentrer à l'intérieur du bateau. Une partie de l'équipage est agglutinée au hublot. Tu les vois? Ouais. C'est un Zodiac. Elles font des signes de la main. Apparemment, il a fait des signes selon lesquels le bateau qu'ils sont censés sauver est en train de couler, c'est ça? Oui, on dirait, mais en fait, on comprend pas bien. Mais comme il parle à la radio avec... avec nous. Mais c'est le signe, il a fait genre on arrête, non, un truc genre arrêtez, allez-y, ça coule. C'est bon. Appel à toutes les équipes de SOS Méditerranée et de Médecins Sans Frontières. Nous allons procéder au sauvetage du bateau pneumatique. À toutes les équipes, tenez-vous prêts pour le sauvetage. Donc on prépare les kits pour nos hôtes qui vont arriver. Et ce qu'il y a dedans, c'est des habits propres, une couverture, du BP5, de l'eau et un petit jeu. C'est quoi du BP5? Alors c'est un aliment riche en énergie. C'est une ration qui permet de tenir 24 heures. Voilà. Et du coup, quand ils arrivent, en général, ils n'ont pas eu le temps de... Ils n'ont rien eu à boire ni à manger. Donc comme ça, ça leur permet de commencer par boire surtout et ensuite manger. Hello. Okay. Fine. Are you traveling alone? Yes. Okay, great. I get my family. What? Your family is here? Yes, he's here. Who's your family? My mother is in the room. Your mother? Your mother? Yeah. Okay, great. So, thank you. My father is one there. Bonjour. No, English. How are you? Fine. Great. Yes. Where are you from? Nigeria. Nigeria. And how old are you? 28. Welcome on board. We're happy you're here. Yes, drink. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ça va? Oui. Bienvenue chez nous. Hello. Vous venez d'où? Sénégal. Sénégal. Très bien. Et vous avez quel âge? 17 ans. 17? Oui. Vous êtes avec votre famille ici? Non, il n'y a pas. Okay. Bienvenue chez nous. Bon, moi, le nom Diallo Mamad Salé, aussi vient de Guinée-Conakry. Bon, ce que j'ai première la chose à dire, d'abord, c'est remercier Médecins Sans Frontières qui nous a sauvés dans la Méditerranée. Après, ce que je veux dire encore, les amis qui sont au pays, de ne jamais venir vers la lutte Algérie-Libye, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Je vous remercie. Moi, c'est Sop Levan Cliff. Je suis de nationalité camerounaise. J'ai 31 ans. Quel a été le voyage à ce moment-là? Vous quittez le Cameroun, vous allez où? Ah, le voyage n'a vraiment pas été facile. À Agadez, après, je suis parti pour Tamaracet, la première ville de l'Algérie sortant du Niger. Donc ça n'a pas été facile, il fallait que j'essaye de m'adapter. Déjà même en Algérie, j'ai fait un an de prison là-bas pour défaut de papier. Parce que là-bas, quand tu arrives, on te fait faire des faux papiers. Donc j'ai été chopé par la police, j'ai fait un an de prison. Et après ça, j'ai été obligé de quitter aussi pour la Libye. Je sais que mon terminus était à Zabrata. Oui, donc c'est de Zabrata que je suis maintenant. Je suis maintenant dans le grand bateau SOS Méditerranée. Je suis maintenant dans le bateau SOS Méditerranée. Mais avant Sabrata, vous dites que vous avez été kidnappé le 22 juin. Oui, j'ai été kidnappé le 22 juin. Elisabeth ? On a demandé, les kidnappeurs ont demandé une rançon de plus de 500 euros. Parce qu'en euros, le 500 euros, ça fait 350 000 francs CFA chez nous. La voiture qui nous transportait, le chauffeur, il est parti nous vendre quelque part. On lui a remis de l'argent. Maintenant, il fallait que nous aussi, nous payions de l'argent pour pouvoir arriver à notre destination. Le monsieur qui était censé nous accueillir à Zabrata, on l'a appelé plusieurs fois. Il nous a fait savoir qu'il devait faire de son mieux pour nous sortir de là. Mais là-bas, c'était notre calvaire. Il y a des filles, des femmes, des filles qui se faisaient violer devant tout le monde. Là où vous avez été kidnappé, c'est ça? Oui, là où on a été kidnappé. Des femmes se faisaient violer devant tout le monde. Et les kidnappeurs, ils vous donnent le téléphone, vous appelez votre famille. Pendant que vous causez votre famille, ils tirent des coups de feu en l'air. Donc pour faire savoir à votre famille que s'ils ne donnent pas de l'argent, ils vont vous descendre. J'ai un ami à moi, lui il est aux États-Unis, un très bon ami à moi. Je l'ai contacté. C'est lui qui a pu me faire sortir de là. Quand on a payé, à notre grande surprise, on a constaté que le monsieur qui devait nous accueillir était face à face de notre kidnappeur. Il était face à face de notre kidnappeur. Donc quand ils sont venus nous libérer, on est descendu parce que c'était dans un immeuble. On est descendu, on a marché même pas deux minutes. On est rentré chez le monsieur qui devait nous accueillir. Nous sommes allés où il regroupe tous ses passagers. Là-bas, ils appellent ça Campo. Il nous a lancé la première fois, comme on dit là-bas, sur la mer pour venir en Italie. Mais nous avons été arrêtés par la marine. Libyenne. Oui, la marine libyenne. Et ils nous ont ramenés dans une prison. Cette prison, on l'appelle la prison Oussama. Dans cette prison, il fallait aussi payer encore pour sortir. Cette prison, c'est... Moi, je peux dire c'est l'enfer. Parce que là-bas, pour manger, il faut qu'on te frappe. Pour dormir, il faut qu'on te frappe. Pour prendre ta douche. Donc, tout ce qu'il faut que tu fasses là-bas, il faut qu'on te frappe dessus. Là-bas, moi, je peux dire c'est tout un réseau. Parce qu'il y a des anciens prisonniers qui étaient là, qui ont des téléphones multimédia. Donc ils nous donnent leur téléphone pour pouvoir contacter nos familles. Des anciens prisonniers qui vous gardent, vous? Oui, des anciens prisonniers, voilà, oui, c'est ça. Les anciens prisonniers qui nous gardent. On appelle là-bas, ils appellent ça coxage. Donc ça veut dire quoi? Si un truc coûte 1 euro, ils te vendent cette chose à 15 euros parce que tu es dans la merde. Donc quand ils vont la tête. Pour sortir, c'était 200 000 francs CFA, qui font 300 euros. Comment se fait-il que ce soit votre premier kidnappeur qui vous libère de prison? Là, je ne sais pas quoi vous dire, parce que, c'est, comme je vous ai dit, c'est un réseau. C'est un réseau. Parce que... C'est un réseau où... Vous payez pour partir, voilà. Vous payez lorsque vous êtes arrêté. Voilà. Ceux qui vous arrêtent vous vendent à ceux qui vous ont fait partir, voilà. Ils vous vendent pour vous faire repartir, voilà, c'est un peu et ça. Plus les à côté. Le truc, c'est qu'il faut que l'argent entre au maximum. Ouais. Ouais. Et en même temps, il faut qu'il y ait quand même quelques bateaux qui passent pour qu'il y ait des gens qui veuillent prendre le bateau. Voilà, effectivement, parce que quand nous sommes sortis des prisons, il a lancé deux bateaux, mais là c'était pas des gens de l'Afrique noire, c'était des Bangladeshi et des Soudanais. Il y avait des Bangladeshis parmi les Soudanais. Les deux bateaux qu'il a lancés, les deux bateaux sont rentrés. Quand on dit rentrer, ça veut dire qu'ils sont entrés en Italie. Ah, d'accord. Voilà, donc quand on a compris ça, ça nous a motivés à rembourser son argent et repayer maintenant pour le voyage. Déjà, notre bateau que nous sommes venus avec, il a pris, je crois, c'est 120 personnes, si je ne me trompe pas. Ouais, 120 personnes. Il y a ceux qui restent assis. Donc nous sommes serrés. Il y a des femmes qui pleurent, il y a des hommes qui pleurent parce qu'ils pleurent de la douleur, quoi. Il y a d'autres qui mettent des autres à l'intérieur et au bord. Moi, j'étais au bord. Ils mettent du carburant et nous lancent. Vous aviez des gilets de sauvetage? Non, on n'avait pas les gilets. Et ils vendaient les gilets là-bas. Dans le camp, ils vendaient des gilets à 100 euros. 100 euros? Oui, 100 euros un gilet. Et alors là, vous partez et il y a quelqu'un qui conduit? Oui, il y a quelqu'un qui conduit. Donc selon nos réflexions, on a constaté que nous étions du côté tunisien. Parce qu'au niveau à un niveau, le moteur il s'est arrêté. Il y a deux pêcheurs qui sont venus, ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a. On leur a dit le moteur s'est arrêté. On nous a dit, il faut que vous rentrez en Libye. Nous, on les a dit, non, on ne peut plus rentrer en Libye. Parce qu'on essayait de démarrer le moteur. Là, c'est tout le monde qui se battait pour démarrer le moteur. Comme ça, on s'est battu, on a pu démarrer le moteur. Et on a continué. Et puis, à la ligne internationale, on a appelé la Croix-Rouge. Je ne sais pas si c'est la Croix-Rouge, mais c'est ceci, je ne sais pas trop. Subitement, il y a un avion qui est venu tout juste au-dessus de nous. L'avion nous a fait des gestes, mais nous, on ne comprenait pas. C'est quand il est revenu la deuxième fois, nous, on a réfléchi que c'est mieux de le suivre. Là, on a commencé à le suivre et on a vu ce bateau. Notre bateau, là, en l'occurrence. Oui, dans celui. L'Aquarius. Oui, l'Aquarius, oui, on a vu l'Aquarius. Et on a approché, après, on est venu nous sauver. Donc, du moment que j'ai vu les sauveteurs de l'Aquarium, j'ai coulé des larmes parce que j'ai compris que le calvaire il est terminé. C'est un peu ça, quoi. Vendredi 15 septembre, 10h du matin, distribution du petit déjeuner. Khalid, citoyen marocain, ancien employé de la mission économique française à Tripoli, en Libye. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. C'est bien ça, oui. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez, Khalid, en Libye? Je travaillais pour la mission économique à Tripoli, à l'ambassade de France. Et oui, jusqu'à 2015, quoi. Voilà. Bon, alors en 2015, tous les ambassades sont parties. Il n'y a pas que l'ambassade de France. Parce que j'ai voulu venir, mais en France, je me suis dit peut-être. Mais on m'a dit qu'ils vont revenir. quelques mois, m'a dit peut-être, monsieur l'ambassadeur m'a dit peut-être 7 ou 6 mois, on sera là, si les choses vont bien, et ta place est toujours avec nous. Puis sans fatigue, de 2015 jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas venus. Voilà. Alors, aller en Europe, oui, c'est vrai, je ne peux pas aller. J'ai jamais pensé aller comme ça, illégalement, par la mer. Ça, l'idée ne m'est jamais passée par la tête. Mais dernièrement, je me suis senti menacé. Vu que je travaillais à l'ambassade, je suis connu d'ailleurs. Ça fait 14 ans que je suis là-bas et je suis toujours avec les voitures diplomatiques, donc je suis connu. On nous connaît. On nous connaît, les gens libyens nous connaissent. Donc j'étais menacé, on a kidnappé mon fils, le mois 7. Il est resté à peu près 5-6 jours. Il a 15 ans. C'est le grand. Donc je me suis dit que j'ai fermé la maison, j'ai pris le plus important que je peux vendre. Et je me suis installé chez des amis, une famille qu'on connaît. Et ça m'a, l'idée de partir, ça a commencé à me taper la tête. Je vais au Maroc, pourquoi je vais au Maroc? J'ai pas d'argent, comment je vais faire? Il me faut beaucoup d'argent. Et même si je suis là-bas, comment je vais vivre? Là, on va ça de quand est-ce qu'ils vont venir, les menaces, machin et tout ça. Alors, je me suis dit que, ben, comme je vois, il y a des gens qui partent. On m'a facilité la tâche, on m'a dit, tu sais, tu peux partir, tu peux trouver un travail, tu peux ceci, tu peux cela. Bon, et mais la mer, non, il faut trouver quelqu'un de sérieux, qui t'amène avec tes enfants et tout. Alors l'idée commençait à me taper dans la tête. Et j'ai commencé à chercher, jusqu'à ce que j'ai trouvé. Voilà. Il m'a dit, on t'appelle, tu vas venir. On m'a appelé. Il n'y a pas que moi. On m'a appelé et je suis allé. On m'a dit, on va partir aujourd'hui. Et après, on est resté jusqu'au soir et on est venu en Libye. Et on commence à sortir via la mer, à pied, doucement, en pleine nuit. Taf, taf, taf, taf, taf, taf, jusqu'à la mer. Là, il y a le Zodiac qui attend. Et il y a quelqu'un qui conduit. Et puis on prend la route. Il leur donne un machin, téléphone Touraya, ça s'appelle. Et puis la boussole. Il leur montre comment faire. Alors, il nous a conduit. Il suivait la boussole et tout ça. Et je sais pas ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, dans au bout de 6 heures, tu appelles le secours. Ils sont dans la mer. Et voilà, et puis le secours vient si c'est pas trop tard. Mais nous, on allait passer par l'autre monde. Il y a de l'eau qui s'est entrée dans le... Est-ce que vous aviez, ainsi que votre famille, un gilet de sauvetage? Mon chef de mission a été, mon dernier chef de mission, aimait beaucoup la mer. En partant, il m'a laissé des affaires de la mer, des gilets de sauvetage, machin, tout ça. Donc j'ai profité, je l'ai amené au moins pour le bébé. Il y a même, non, il m'a pas, c'est pas lui qui m'a donné les palmes, c'est son second qui m'a donné les palmes. Vous étiez combien sur ce bateau? Disons à peu près 120 personnes. Sur une embarcation pneumatique qui faisait combien de mètres de long? 12 mètres, il paraît. 12 mètres. On était coincés, on ne pouvait pas bouger. Les pieds, les femmes criaient, un sur un, ma femme, elle était derrière. C'était, comment dirais-je, c'était, vous ne pouvez pas résister, même pas un quart d'heure. Tout le monde criait, la bagarre, non, pousse-toi, tu me fais mal, les femmes crient au secours, je vais mourir, je suis étouffé, machin, c'est une catastrophe. Et puis à un moment donné, on sentait l'eau qui monte. Alors là, c'est la fin, ça y est, tout le monde commence à prier. Si, quand on passe devant la mort, ça y est, on dit que la police vienne nous prendre. au lieu de mourir, voir ses enfants mourir devant lui. Et Dieu a vu, nous a sauvé la vie, quoi. Grâce à ces gens-là qui travaillent, les pauvres, jour et nuit, c'est vraiment quelque chose de, qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas prêt d'oublier, quoi. Et voilà. Et ils nous ont sauvés, comme ils ont sauvé les autres qu'on a trouvés ici. Adam, votre bébé de 8 mois, où était-il? Il était dans vos bras, dans ceux de sa mère? Dans mon bras. On était avec la famille, avec la maman ici, à ma gauche. Il y avait mon fils assis, mais les pieds comme ça. Adam, il était avec sa mère. Et puis, il me le passe à moi. Et puis, moi, je le passe à mon fils de 15 ans qui a été kidnappé. Alors, il le donne, et puis il me donne à moi. C'était la catastrophe, c'était l'enfer, quoi. Il a commencé à me dire, allez, je crois que je vais mourir. Regarde ce que tu vas faire avec les enfants. Moi, j'ai commencé à pleurer aussi. Et, enfin, pour pas lui montrer, quoi. Mes yeux commençaient à... Je lui dis, mais arrête, à vriller. Il m'arrête, on va... Mon fils, parce que les femmes crient, il y a de l'eau, on va mourir, il y a de l'eau. Quand tu fais comme ça, il n'y a que la mer. Il fait nuit encore. Au bout de 6 heures, tu appelles. C'est-à-dire... Il le montre quand il est dans le territoire, dans les mers... Dans les zones internationales, exactement. C'est là où tu appelles. Parce que si tu appelles ou tu es dans les zones libyennes, il se pourrait qu'ils viennent. Alors, c'est toi, c'est comme si c'est moi qui les a amenés à la mort, c'est moi qui les a tués. Voilà le sentiment que j'ai tué ma famille avec mes propres mains. C'est vraiment... C'est très dur. Je t'expliquerai jusqu'à demain matin. Vous pouvez pas. Quand tu vois tes enfants que des toits, l'eau qui monte, le désert de la mer, ta femme pleure, les autres femmes pleurent. Tu dis, mais qu'est-ce que tu as, Khalid? Tu as perdu connaissance? Comme ça, tu amènes tes enfants pour les tuer à la mer, gentiment. Toi, tu as passé 58 ans de ta vie, et maintenant, pour finir, tu viens, tu tues tes enfants, et tu meurs avec eux, admettons. Je me suis dit, si tu veux mourir, Khalid, fais-le seul. Ne amène pas tes enfants. Fais-le seul au moins. Comment elle s'appelle? Yeah. Comment elle s'appelle? Moi? Ah, Manunga. S'appelle Manunga Kwane. Elle a quel âge? C'est 2 ans. Ouais. Vous êtes le papa? Oui, c'est mon fils. Ouais. Ça, c'est Marcelo? Oh, bon. C'est pas pour moi. Marcelo, c'est pas votre fils. Ok. Voilà, c'est vraiment grand corps. Et comment elle s'appelle, elle? Elle s'appelle Mafata Kone. Quel âge a-t-elle? Ça fait 1 an. Septembre, et l'Aquarius est en vue du port de Trapani où il va débarquer dans 1 heure. On va vous parler un petit peu ce que va se passer quand on arrivera en Italie, ok? Nous arriverons à une porte qui s'appelle Trapani. Il est en Italie, qui est un pays dans le sud de l'Europe. Tout le monde qui part depuis la Libye est débarqué en Italie. Donc vous tous allez débarquer, ok? N'ayez pas peur, n'ayez pas stressé, c'est juste que ça va prendre du temps. Donc s'il te plaît, soyez patient demain. Demain, quand on arrivera en Italie, il y aura beaucoup de personnes, des autorités italiennes, des organisations humanitaires. N'ayez pas peur, c'est normal, c'est toujours comme ça. Ensuite, vous serez registré en Italie, et ce qui veut dire que l'on vous demandera vos détails personnels, et aussi ils vont te demander les raisons pour lesquelles vous êtes venu en Italie. Tout le monde a le droit de demander l'asile. En italien, on dit asilo. Asilo, ok? L'asile signifie que vous demandez la protection internationale pour rester légalement en Italie. Nous vous souhaitons le meilleur pour votre futur et prenez bien soin de vous-même. Merci beaucoup. C'est avec Juliette pour voir c'est comment faire ça. Margarita, médecin MSF à bord de l'Aquarius. Qu'est-ce qui se passe là, Margarita? On est en train de faire descendre les personnes qu'on a secourues. Et là, on est en train de s'organiser ensemble avec le ministère de la Santé italien pour organiser les désembarques, une façon de pouvoir référer les gens qui ont besoin de soins particuliers et référer les mineurs et tous les gens qui ont besoin de protection, on va les référer séparément. Comme ça. Et aussi, ils sont en train de faire le screening médical avant que les gens ne descendent à terre. Le drapeau de quarantaine vient d'être baissé. C'est au médecin du ministère de la Santé qui a décidé. Ah non, oui, il est déjà parti. Donc oui, c'est super. On va pouvoir descendre. Posso iniziare con la donna? Ti succede la vita d'être in Italia? Sono tellement fier. Malgré les difficultés qu'on a racontées en route, les mots me manquent. Merci Seigneur. Merci l'Italie. Je reconnais votre voix. Vous êtes la personne qui était à côté de moi dans le Zodiac quand vous avez été sauvé, c'est ça? Oui, c'est moi. Vous êtes Camerounais, n'est-ce pas? Camerounais. Beaucoup de Camerounais me disent qu'ils voulaient d'abord travailler en Libye et que leur objectif, ce n'était pas l'Europe, c'est votre cas. On voulait travailler en Libye. Ce que je peux dire à mes propres frères, Camerounais, Sénégalais, ils ne peuvent partir en Libye, ils peuvent partir n'importe où. Mais en Libye, la Croix-Rouge, barré, parce que les Libyens ne sont pas les êtres humains là-bas. Sont les mauvais gens. Quel est votre prénom? Wilfried. Quel âge avez-vous? 17 ans. Et c'est en Libye que vous décidez finalement d'aller en Europe? Oui, c'est en Libye, puisque je n'ai plus le choix, je ne peux plus rester là-bas. Vous avez un bracelet bleu là, ça veut dire que je crois que ça veut dire que vous êtes blessé, vous êtes malade? Oui, je suis malade. Les infections. Les infections, mal de ventre, mauvaise nourriture qu'on mangeait. On buvait l'eau salée, puisqu'on n'avait pas d'eau, pas de nourriture. Ce qu'on trouvait, on mangeait seulement pour survivre. Khalid. Oui, oh, Alhamdoulilah, on est arrivé enfin sur Terre. On voit la Terre enfin. Ça va? Ça va, ça va. C'est bien, très bien, ça marche. Comment va votre épouse? Ça va, elle va mieux, elle va mieux. Ouais. Avec les médicaments qu'on lui a donnés, on lui a sauvé la vie, quoi. Non, ça va mieux, ça va mieux. Ça va et mieux. Adam, le bébé? Oui, il se porte bien, il a un petit peu de diarrhée, on va voir ce que ça va. Ouais. C'était à bord de l'Aquarius au large des côtes libyennes, coordination Perrine Kervran, attaché d'émission Marie-Vonne Abolivier, mixage Éric Boisset, musiques originales Max Avis et les naufragés sauvés par l'Aquarius, lecture Julie Navarre et Olivier Martineau,